Le livre d'Esther. L'empereur Assuérus, que l'histoire a retenu sous le nom de Xerxès, régna de 486 à 465 avant Jésus-Christ dans la ville de Suse, capitale de l'empire des Mèdes et des Perses. C'est sous son règne que se place l'histoire d'Esther. Lors d'un festin royal organisé dans la capitale, Vashti, la reine, s'oppose à un ordre du roi et est destituée. Aussi cherche-t-on parmi les jeunes filles du royaume celle qui pourra la remplacer. Parmi les nombreux Israélites exilés dans l'Empire perse, Mardochée vit à Suse, où il a adopté et élevé Esther, sa cousine, qui, très jeune, est devenue orpheline. Esther est l'une des jeunes filles choisies pour être introduite à la cour. Bientôt, elle est conduite auprès du roi, qui la couronne à la place de Vashti. Mardochée se rend fréquemment au palais pour prendre des nouvelles de sa cousine. Fortuitement, il a connaissance d'un complot fomenté contre le roi par deux portiers. Les deux coupables sont exécutés et l'acte de Mardochée est inscrit dans les annales de l'Empire. Puis le roi élève au rang de premier ministre Haman, un homme orgueilleux et prétentieux. Mardochée refuse de fléchir le genou devant lui. Irrité, Haman médite sa vengeance. Il dédaigne de porter la main sur Mardochée seul et se rend chez le roi pour obtenir la permission de frapper tous les juifs. Nous lisons. Haman dit au roi Assuérus : Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Esther, chapitre 3, versets 8 et 9. Si Haman voulut exterminer les Juifs, ce n'était pas seulement parce qu'il ne supportait pas l'insubordination de Mardochée. Il avait remarqué le caractère particulier d'Israël, ce peuple à part, que la communauté des nations ne comprend pas et supporte mal aujourd'hui encore. L'antisémitisme est une gangrène qui a rongé les peuples très tôt dans l'histoire. Mais Dieu a toujours pris en main la cause d'Israël. Revenons à l'histoire d'Esther. Mardochée, revêtu d'un sac et couvert de cendres, se rend à la porte du palais, pourtant interdite à tout porteur de vêtements de deuil. Il fait dire à la reine ce qui se trame contre les Juifs et lui transmet une copie de l'édit d'extermination publié par Haman. La reine comprend ce qu'on attend d'elle, mais elle redoute d'intervenir auprès du roi. Mardochée lui fait dire: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Alors que tous les Juifs de la capitale s'unissent dans le jeûne et la prière, Esther se rend chez le roi. Elle invite Assuérus et Haman à un festin qu'elle prépare. Mais avant même qu'elle fasse connaître au roi son origine et sa requête, Dieu agit sur un autre plan. Cette nuit-là, Assuérus ne peut pas dormir. Il se fait lire les chroniques de l'Empire et découvre que Mardochée n'a reçu aucune récompense pour son acte de probité accompli quelques années auparavant et grâce auquel la vie du roi a été épargnée. De son côté, Haman, qui ne peut plus supporter la présence de Mardochée, a élevé pour lui un gibet devant sa maison. Il se rend donc au palais pour demander au roi l'autorisation d'exécuter son vil projet. Cependant, les pensées d'Assuérus suivent un autre cours. À peine Haman est-il introduit dans sa présence, qui lui demande à brûle-pourpoint: « Que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit en lui-même, « Quel autre que moi le roi voudrait-il honorer ?» Et Aman répondit au roi, « Pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Esther, chapitre 6, versets 6 à 9. Ô l'humiliation profonde de Aman, lorsque le roi lui ordonna de prendre lui-même le cheval et de promener Mardochée dans la capitale. Après avoir exécuté l'ordre du roi, Aman s'en retourne chez lui, désolé et la tête voilée. Et sa femme lui déclare, « Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. » Esther, chapitre 6, verset 13. Effectivement, rien n'arrête plus la chute de Aman. Il est invité une seconde fois à un festin chez la reine, et ses projets de génocide sont alors dénoncés. Stupéfait, Assuérus se met en colère et ordonne que Aman soit pendu au gibet primitivement dressé pour Mardochée. Puis Mardochée est élevé au rang de premier ministre. Pour supprimer les Juifs, Aman avait imaginé un genre de solution finale. C'est là l'expression qu'on a utilisée au XXe siècle pour désigner le génocide des Juifs. Aussi, Esther et Mardochée s'employèrent-ils à conjurer les effets de la publication de Aman. Au 13e jour du 12e mois, jour prévu pour l'extermination des Juifs, ceux-ci eurent alors le droit de se rassembler, de se défendre et de tuer ceux qui tentaient de les attaquer. L'histoire d'Esther fait ressortir un principe abondamment confirmé tant par l'Écriture sainte que par l'histoire profane. Ce n'est pas impunément qu'on lève la main contre le peuple juif. Dieu avait dit à Abraham, lors de son appel, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. » Genèse, chapitre 12, verset 3. Les individus ou les nations qui favorisent Israël sont bénis. Mais ceux qui s'opposent à ce peuple récoltent amèrement les fruits de leurs œuvres. Le prophète Zacharie disait au sujet d'Israël, « L'Éternel des armées m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. » Zacharie, chapitre 2, verset 8. De son côté, le prophète Ézéchiel déclarait, « Parce qu'on a voulu de toutes parts vous dévaster et vous engloutir, pour que vous soyez la propriété des autres nations, parce que vous avez été l'objet des discours et des propos des peuples, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je lève ma main. Ce sont les nations qui vous entourent qui porteront elles-mêmes leur ignominie. » Ézéchiel, chapitre 36, versets 3 et 7. Le livre d'Esther prouve que l'Éternel n'abandonne jamais son peuple et que le secours et la délivrance surgissent toujours pour Israël. Pourtant, fait particulièrement frappant dans ce livre, le nom de Dieu ne s'y trouve pas. Pour cette raison, certains théologiens des temps passés ont même voulu écarter le livre d'Esther de la liste des écrits inspirés. Mais si le nom de Dieu est absent du texte, sa présence le remplit du premier au dernier verset. C'est Dieu qui avait placé Esther et Mardochée au palais à Suse, car c'est là qu'il avait besoin d'eux. Des spécialistes israélites ont fait des recherches dans l'original hébreu et y ont découvert le nom de Dieu dans 5 phrases clés du livre. Mais ce sont des mentions cachées, sous forme d'acrostiche, la première lettre de chaque mot correspondant au nom Yahvé, c'est-à-dire éternel. Or, des siècles auparavant, Dieu avait annoncé à Moïse les malheurs d'Israël en ces termes, « En ce jour-là, ma colère s'enflammera et je leur cacherai ma face. » Deutéronome, chapitre 31, verset 17. Dans sa colère contre son peuple, Dieu a permis les captivités. Non seulement il a caché sa face à son peuple, mais il a même caché son nom dans un texte pourtant sacré. Cependant, il n'en était pas moins présent et il dirigeait lui-même le cours des événements. Et aujourd'hui, il en est de même. Il peut sembler à beaucoup de gens que Dieu se désintéresse du sort du monde, des problèmes des peuples, ou même des difficultés auxquelles Israël doit faire face. Néanmoins, la main de l'Éternel demeure plus puissante que celle des chefs d'État, et elle agit de manière efficace derrière les faits qui déterminent le sort des nations. Les promesses de l'Écriture s'accompliront sans aucun doute. Au sujet des Israélites, l'apôtre Paul a déclaré « En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Épître aux Romains, chapitre 11, versets 28 et 29. Revenons, pour terminer, au passage du livre d'Esther que nous avons cité tout à l'heure, chapitre 4, verset 14. Au moment du grave péril qui menaçait la nation juive tout entière, Mardochée avait fait dire à la reine « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenue à la royauté ?» Esther était exilée, orpheline, sans avenir. Mais le roi lui a fait grâce, l'a introduite dans son palais, a concentré sur elle son amour et a mis la couronne sur sa tête. Quelle image de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ qui ne nous a pas laissés orphelins, qui nous a libérés de la domination du péché, qui a fait de nous les objets de son amour, qui nous a introduits dans la famille du ciel pour faire de nous des croyants destinés à régner un jour avec Jésus-Christ. Oui, nous sommes appelés à devenir rois et reines. Le livre de l'Apocalypse déclare « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire. » Apocalypse, chapitre 1er, versets 5 et 6. Êtes-vous encore orphelin ou asservi par le péché? Que l'amour du Seigneur s'étende sur vous et qu'il vous transforme. Il a une mission à vous proposer. Nous vivons des temps graves. Mais c'est à cause de ces temps-ci que Christ vous destine une couronne. Et c'est déjà dans ce temps-ci que cette future royauté doit se prouver. Car Dieu a besoin de vous pour arracher à la perdition éternelle un peuple livré au génocide, c'est-à-dire les âmes précieuses qui vous entourent, afin qu'elles passent de la condamnation du péché au pardon des péchés et qu'elles soient sauvées pour la vie et pour l'éternité par Jésus-Christ notre Seigneur. Car si vous êtes sauvés, c'est pour servir le Dieu vivant et vrai. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous encourage.